larmes sucrées. Pourquoi, pourquoi des larmes sucrées? Pour toi, pour toi, pour que tu ne meurs pas comme la fleur trop nouvelle. Les fleurs et les mers fleuris.